On va prendre les chroniques du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur chef Jason Lejeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, passe les belles fans? Oui, et toi? Ah, c'était tranquille, on s'est reposé, on a fait de la radio, puis c'est bien correct, on n'est pas recommencé. Deux matchs en fin de semaine pour le Marcos Pop de Saint-Félicien. D'abord, ça a été le premier match 5-4. Quand on vient des fêtes demain, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est y a une séance d'entraînement avant ou est-ce que Oui, c'est sûr qu'on a pratiqué là, nous autres le jeudi là, jeudi auparavant de la fin de semaine. Donc oui, on a pratiqué. C'est sûr qu'on a fait sortir, le méchant, là, comme on dit. Là. On a eu beaucoup de patins là, c'est là en phase là, lors de l'entraînement. Puis je pensais plus que l'exécution allait être mauvaise là. Elle allait plus être mauvaise que ça lors de nos deux matchs, mais l'exécution était quand même bonne là, lors de nos deux matchs. Fait que, ouais, ben c'est pas assez pour. C'est pas assez pour dire que. Pour dire que, qu'on a perdu la touche, hein? Arrêtez de rester à cet âge-là, là. Non, c'est pas supposé avoir perdu la touche, mais tu sais, c'est de la cohésion de l'exécution. Là, ça faisait quand même deux semaines que les petits gars n'avaient pas joué ensemble. Là, oui, ils vont jouer dehors, oui, ils vont jouer au hockey libre à la patinoire, mais tu sais, c'est pas pareil que jouer une game là, avec des coéquipiers. OK. On avait un petit peu peur là-dessus, mais ça s'est quand même très bien déroulé là, lors de deux matchs à mon. OK. Donc, oui, c'était le premier match a été une victoire de 5-4 contre les Ambassadeurs. Oui, victoire 5-4. Là, on s'est tiré un peu dans le pied, nous autres même. Donc, j'étais un peu déçu, un peu fâché. Là, le nombre d'équipes, il restait moins de 5 minutes à faire là, au match. Okay. Un petit revirement dans notre zone pour donner un but à l'adversaire. Ensuite, avec ça, deux mauvaises positions coup sur coup qui leur ont donné un 5 contre 3 et enlevé leur goaler. Et ça a donné un 6 contre 3. Ils ont réussi à se carrer. Donc, tu sais, c'est des petits détails là, qui nous font mal là, présentement. Là. C'est pas okay. Des grosses affaires, mais c'est des petits détails. OK. Et dans l'autre match, donc, comment ça s'est soldé dans l'autre match? Une défaite de 2-1, là. En temps réglementaire, mais encore là, tu vois, là, c'est un très, très bon match encore d'hockey. Okay. Là, c'est sûr qu'en deux matchs en deux jours, dans la même journée, à Chougamo, avec la foule de Chougamo, la fatigue qui est là, le voyage dans le corps. C'est sûr qu'on a eu un peu de difficulté à prendre notre première, deuxième période, là, c'était très difficile. Mais tu sais, encore là, on s'était 1-1 après deux périodes. Notre goaler nous avait tenu dans le match là, en deuxième période avec une dizaine, 10 ou 12 arrêts là, en deuxième période. Donc, ça nous a permis de revenir et à croire à nos chances là, en troisième période. On a joué une très bonne troisième période. On a eu nos chances de marquer, des filets déserts. On n'a pas été capable de la mettre dedans, comme on dit. Okay. Et Chougamo, sont venus une fois dans notre zone, je pense, en troisième période. Ils ont réussi à se croire. C'est ça, OK, hein, t'en manques, l'autre bord, mais en a juste une, puis ben oui. À mettre dedans, comme on dit, fait que, c'est une défaite, mais moi j'aime ça, une défaite comme ça fait pas trop mal, là. C'est pas une défaite qu'on s'est fait les 8-1. Surtout qu'ils ont une bonne équipe, Chougamo a une très très bonne équipe cette année, là. Oh oui, une très bonne équipe de hockey, là, c'est pas, moi selon moi, c'est une des meilleures, là, avec nous autres, puis Marquis Jonquière dans la ligue, là, ouais. C'est très serré entre les trois, puis on le voit aussi au classement général. Là. C'est une très, très bonne équipe. Oui. En fin de semaine, je regarde ça. Donc, vous jouez. Vous êtes peut-être en tournoi, parce que vous n'êtes pas sur le calendrier, oui. sur le site de la Ligue. Vous êtes où en tournoi en fin de semaine? Oui, on s'en va en tournoi. Là. C'est le tournoi de Drummondville là, en fin de semaine pour nous autres à partir de juillet 3. OK. C'est un gros tournoi, là, 24 équipes midget 2B. Donc, j'espère qu'on va très bien figurer. Au tournoi à Drummondville en fin de semaine. Puis la semaine prochaine, ben, c'est le tournoi à Alma. Fait qu'on a deux tournois coup sur coup. Ouais. J'espère que les blessures ne nous feront pas trop mal. Ouais. On va voir à ça. Est-ce que tu as mesuré le tournoi? Est-ce que c'est un tournoi relevé à Drummondville? D'habitude, c'est le plus gros tournoi. Là. C'est le plus gros tournoi de façon midget. Avec 24 équipes, là, on s'entend qu'il y a beaucoup d'équipes midget. On va être, je pense, à 8 à Alma, qu'on s'entend que c'était un des gros dans le temps. Là, c'est plus ça pendant tout. Là. Ouais. Donc, tu sais, Romanville, 24 équipes, je pense, sur une 70 ou 80 clubs de midget. Donc, c'est un des gros. OK.